C'est qui ce mec? Eh, hey, salut! Ah, t'es là, ça va? Ah, bien? Ouais, hein? Ta dame, enchanté. Je connais quoi? Pas. Hein? Je comprends pas. Ah, je voulais te dire. Quoi? S'en sortir, ça rime à quoi quand t'as bigger? Se changer la tête, c'est pratique, mais il faut deux corps. Je me roule dans les viscères de la poule aux œufs d'or. Dans ma tour d'ivoire, j'ai une mémoire d'éléphant, un caractère de porc. Et j'ai du chien comme la bouffe chinoise. Dénaturalisons la salade niçoise. On m'a jamais mis à la poubelle, pourtant on m'appelle ordure. Avec une main, je prends mon pied, avec l'autre, je donne des coups. Contige au mur, en parlant à mon téléphone, j'apprends qu'il va bientôt sortir son album. Je voudrais tirer les rideaux, mais ils sont farouches, ils me disent pas touche. Suivi d'une crise de jalousie, comme quoi j'aurais tiré la chasse. À quoi bon se voiler la face, n'y prêtez pas allusion. Tout ceci a du bon, c'est moi qui ai du mal. Toute chose a un nom, mais je doute que tout ait une âme. Amstram, gram, pique et pique et collégramme. C'est ta dame, protège ton sexe et celui de ta femme. C'est gratuit sur internet, mon ami. Oui, oui, oui. N'y prêtez pas allusion. Tout ceci a du bon, c'est moi qui ai du mal. Toute chose a un nom, mais je doute que tout ait une âme. Yeah, c'est pour Chami, Jaff, Nespli, H, Daik, MC, Katsumi, le combiné nordique, HH, population, le beat ou la secui, trampoline et ma famille. Bah ouais, surtout c'est important la famille. Hein? Hein? Voilà.